It's the most beautiful, ugly sound in the world. Danger and cuts. Salut, c'est Julie Moé. Bienvenue aux Dionautes dans cette nouvelle sécession pleine du mystère de l'art étrange et magique de l'hypermix. Vous écoutez Radio Pulsar sur 95.9 MHz à Poitiers et tout autour dans la Vienne. Durant les 60 prochaines minutes par l'intermédiaire du son, nous allons désaligner vos connexions synaptiques, briser vos routines et changer votre perception de la réalité. L'art est un enjeu de pouvoir. Il est porteur d'une charge politique radicale en mesure de faire évoluer la conscience des humains qui y sont exposés. Alan Moore pense que la magie est une forme d'art et que l'art est une forme de magie. Car comme elle, l'art est une science de la manipulation des symboles, des mots et des images, dont l'objet est la modification du niveau de conscience. Le fait qu'aujourd'hui cette magie produise des formes de divertissement facile et calibré est un gaspillage et délibéré. Les personnes qui utilisent cette magie pour façonner la culture sont les publicitaires qui en font un opiacé pour endormir les masses et les rendre perméables à leurs slogans. Seul devant son écran, chacun pense avec les mêmes mots, ressent les mêmes désirs au même moment et agit selon les mêmes réflexes acquis. Nous sommes les rêveuses de la rêve et les faiseuses de réalité. Danger and cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world.

Passiez par là, comme par hasard. C'est quoi cette radio? C'est Radio Pulsar. C'est quoi ce son? C'est un hypermix de musique de Jimmy. Qui est-ce qui joue? C'est Nitrom, le métronome. Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. We'll be right back. digital root of that is 9. I'm gonna fucking cry. なんだよ。 10年後の私なんて海の私には遠すぎて全然想像がつかない。私は一人？それともまあ私のことだからきっとまたいろんな人に迷惑をかけてることでしょう。でも平気、問題ないよ。私は必ずあなたを応援している。エールを心から。あ、た、し、頑張れ。あ、た、し、負けるな。負けるな。あ、し、わからない。思い出せない。頑張れ。頑張れ。 私はもうここにはいない。でもこの日の私はずっとここからあんから応援している。たった一人の人だけ。 知らず知らずに傷つけていく。何で Danger and Cuts。 It's the most beautiful ugly sound in the world。 ラジオプルさん、 voilà, l'émission est arrivée à sa fin. Nitrom the Metronome et moi-même vous remercions d'être passés par là. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour le réveillon du 24 décembre. Ce sera la dernière émission de l'année avec un hypermix plein du bruit et de la fureur de la musique d'Ojin manipulée et glitchée à la main. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'émission en vous rendant à l'adresse radio-pulsar.org. Vous y trouverez notamment le journal de production de Nitrom the Metronome avec le track listing complet de l'émission de ce soir. On va se quitter sur un remix d'un morceau. Et une fois n'est pas coutume, je vais en annoncer le titre et le nom de l'interprète. Il s'agit de l'immense Shiina Ringo avec le titre Carnation l'œillet. Bisous. Danger and Cuts. Out.